Le body scan est une méditation qui permet de relier le corps à l'esprit. Grâce à elle, vous réapprenez à percevoir vos sensations physiques et à écouter les messages que votre corps vous transmet. Je vous invite à vous allonger confortablement, peut-être avec une couverture, dans un endroit calme et agréable. Les bras le long du corps, fermez doucement les yeux pour retrouver votre espace intérieur. Si vous avez peur de vous endormir, pliez simplement les jambes. Avec curiosité et bienveillance, observez tout ce qui est présent maintenant. Quelle est votre météo intérieure? Quelles sont vos pensées, vos préoccupations, votre humeur? Éprouvez-vous des émotions particulières? Accueillez tout ce qui est présent à cet instant sans jugement. Vous êtes un observateur bienveillant et vous ne faites qu'observer ce qui se présente à vous. Respirez simplement, sans essayer de modifier ou de contrôler votre souffle. Explorez votre respiration. Observez son parcours, la qualité et la température de l'air que vous inspirez, son rythme et les ondulations qu'elle provoque dans votre corps. Lorsque vous vous sentirez prêt, je vous invite à laisser votre respiration en arrière-plan et à poser votre attention sur votre corps, sur toutes les zones en contact avec le support sur lequel vous êtes installé. L'arrière de votre tête, l'arrière de vos épaules, l'arrière de vos bras, votre dos, l'arrière de vos fesses, l'arrière de vos jambes et enfin l'arrière de vos talons. Prenez le temps d'observer ces sensations concrètes de contact avec votre corps, sans essayer de vous détendre ou de forcer pour ressentir obligatoirement quelque chose. Il s'agit dans cette méditation d'observer et de recueillir les sensations et les informations qui sont présentes, ou pas. Si vous ne ressentez rien en particulier, notez simplement « je ne ressens rien ici » et poursuivez. Dirigez désormais votre attention comme vous le feriez avec un projecteur et balayez mentalement votre pied gauche. Observez toutes les sensations présentes dans chacune de ces parties, le talon, la plante des pieds, les orteils, le dessus du pied. Notez ce qui concerne la partie extérieure de votre pied, comme la peau, mais également la partie intérieure. Peut-être percevez-vous les petits os, les tendons ou les ligaments de votre pied. Remontez sur votre cheville. Notez la position de votre pied. Sentez son articulation, ses ligaments. Du mieux possible, maintenez votre attention sur cette zone. Puis remontez le long de votre mollet et de votre tibia. Notez si vous percevez des vibrations, des chatouillements, des picotements. Lentement, abordez votre genou. La pliure au dos du genou, votre rotule, l'articulation elle-même. Observez avec curiosité et bienveillance les sensations ou l'absence de sensations, moment après moment, à l'intérieur comme à l'extérieur. Passez à votre cuisse gauche. Vous pouvez éprouver à cet endroit différentes sensations, telles que le poids, le volume, la forme. Notez également si ces observations sont accompagnées de jugements de valeur, tels que des pensées sur la forme que devrait avoir votre cuisse ou que vous aimeriez qu'elle ait. Ne vous y accrochez pas, restez distant avec les jugements de votre mental. Remontez le long de la hanche jusqu'au fessier, dans le prolongement de votre jambe. Maintenez votre attention sur cette zone. Que percevez-vous ici? Prenez désormais conscience de votre jambe entière et poussez votre souffle jusqu'à son extrémité. Respirez dans votre jambe. Si vous vous apercevez que votre esprit s'est évadé, rappelez-vous que c'est parfaitement normal et inévitable. Avec bienveillance, revenez sur les observations de votre jambe et félicitez-vous de vous être aperçu que vous aviez été distrait. Cela signifie que vous êtes en pleine conscience. Tout au long de votre méditation, vous alternerez entre ces moments de présence dans votre corps et les distractions de votre mental. Jugement de valeur ou commentaires sur votre pratique méditative. Vous reviendrez 10 fois, 100 fois ou plus encore à votre corps. Cela fait entièrement partie de la méditation. Prenez un moment pour comparer les sensations de la jambe gauche et de la jambe droite. Peut-être qu'une des deux jambes vous semble plus légère ou plus détendue. Posez votre attention sur le pied droit comme pour l'autre jambe. Balayez toutes les parties du pied. Talon, orteil, plante des pieds, dessus du pied, cheville. Remontez le long du mollet et du tibia. Observez derrière le genou, sur la rotule et rejoignez votre cuisse droite. Remontez jusqu'à la hanche pour atteindre le fessier. Notez les tensions, les micro-douleurs, les vibrations, les sensations diverses et variées ou l'absence de sensations que vous rencontrez en faisant ce parcours. Restez du mieux que vous le pouvez en pleine conscience dans ces observations. Vous avez désormais conscience de l'ensemble du bas de votre corps. Prenez quelques instants et poussez votre souffle jusqu'à l'extrémité de vos deux jambes. Respirez. Lorsque vous vous sentirez prêt, remontez sur votre bassin. Sentez l'intérieur de votre ventre. Que percevez-vous dans cette zone ? Observez vos organes génitaux, vos intestins, votre vessie, votre foie, vos muscles. Le ventre est le siège des émotions. Notez-vous une ou des émotions particulières à cet endroit? Incluez votre estomac, votre diaphragme, vos poumons, votre cœur et votre poitrine. Accueillez les sensations, les ressentis et les émotions présentes. Laissez-les être et pensez à respirer si les émotions sont trop intenses. Apprenez à être présent dans vos sensations, qu'elles soient agréables ou non. Posez doucement votre attention sur le bas de votre dos et explorez toute votre colonne vertébrale. Remontez sur chaque vertèbre avec la même qualité de vigilance, sans vous obliger à faire surgir les sensations ou à obtenir un résultat. Maintenez une attention douce et bienveillante et reconnaissez ce qui est là et ce qui émerge. Remontant du bassin jusqu'à la naissance du cou, observez les tensions, les relâchements, la température, le contact. Laissez doucement couler votre attention sur vos épaules et le long de vos deux bras, le haut des bras, leur intérieur, l'intérieur des coudes, les avant-bras, jusqu'au poignet. Enfin, avec la même attention, observez vos mains. Le dessus, les paumes. Passez en revue chacun des doigts et leurs articulations. Désormais pleinement conscient de la partie supérieure de votre corps, respirez et poussez votre souffle jusqu'à l'extrémité de vos mains et de vos jambes. Lorsque vous vous sentirez prêt, reprenez votre balayage en partant de votre gorge et de votre cou. Prenez conscience du poids de votre tête, de son volume, puis de votre cuir chevelu, du haut de la tête et redescendez sur votre front. Pouvez-vous percevoir les muscles de votre front, Peut-être y a-t-il ici des tensions, ou au contraire, un parfait relâchement. Posez votre attention sur vos yeux, observez leur forme, ainsi que les sensations ou l'absence de sensations autour des yeux, sur ces petits muscles ou sur vos sourcils. Vos tempes, vos oreilles, les lobes de vos oreilles, vos joues, votre nez, les mouvements de vos narines, ainsi que la température de l'air qui entre et qui sort à chaque respiration. Focalisez votre attention sur votre bouche, sur vos lèvres, mais également à l'intérieur de votre bouche. Est-elle humide, sèche? Comment repose votre langue? Percevez-vous vos dents? Maintenez votre attention du mieux que vous le pouvez, en étant pleinement conscient de l'intégralité de votre tête et de votre visage. Prenez un moment pour saisir cet instant. Élargissez désormais votre champ de conscience en incluant toutes les parties que vous avez observées et demeurez présent dans la sensation du corps comme un tout. C'est votre corps entier qui respire. Accompagnez votre souffle. Respirez avec le haut de votre tête et expirez par la plante des pieds. Vous pouvez également faire l'inverse, inspirer par les pieds et expirer par le sommet du crâne. Vous êtes votre respiration, le corps et l'esprit ne faisant plus qu'un. Lorsque la cloche retentira, vous reprendrez doucement conscience de votre présence dans cette pièce. Vous quitterez votre posture, mais vous ne quitterez pas votre respiration qui vous accompagnera tout au long de votre journée. Prenez tout le temps nécessaire pour reprendre vos activités et n'oubliez pas de vous remercier pour ce précieux moment que vous vous êtes accordé.